إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما زلنا في سلسلتنا في العقيدة هذه Et après qu'on ait fini de Kitab Taqlib al-Tadmuriyya, Kanaya ta'alaq bi mas'alat sifat wal shara wal qada, aujourd'hui on va rentrer dans l'Umma'at al-Irtiqad. L'Umma'at al-Irtiqad, qui lui touche à des sujets plus larges. C'est un Kitab Mukhtasar kazalik, fi l'Aqida, madkhal fi l'Aqida, qui parle des sifat, des asma, pour que les sahaba elle achète un dialogue avec l'akhira, les choses de l'au-delà. Et dans la bid'a, c'est plus large que le tadmouriya. Le tadmouriya, c'était akhas dans les sifat. Et alhamdoulilah, c'est à fait, non, on a appris des kawaïd, on a appris des règles, on a appris des dawabit qui nous permettent de pouvoir bien cheminer dans ce fun. Naam. Et donc ce kitab, l'Umma'at al-Irtiqad, mu'allifuhu, huwa Mouafiq al-Din ibn Qudama Abdullah ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Et à ne pas confondre avec Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi qui était son cousin. Comme les deux sont Maqdisi, souvent les gens peuvent avoir tendance à confondre entre les deux. L'autre c'est l'auteur de Umdat al-Ahkam. Ma'alouf. Les deux, c'est des imams, de toute façon. Non. Donc, on va prendre ce kitab, Bizna Ta'ala, Kafi Adati. Ça va être Mukhtasar. Je ne vais pas forcément lire tout ce que le Shari'h, qui est Cheikh Al-Othaymin, dit. On va le mettre, on va le lire entièrement, Bilashak. On va prendre les passages importants du kalam de Cheikh Al-Othaymin, en les traduisant, ou des fois, sans même les lire, les traduire directement, ou même s'il y a besoin, apporter un commentaire des favorites qu'on a nous à l'extérieur. Donc comme à mon habitude, ce sera basé sur son charh, on ne va pas lire tout son charh. Et des fois, on ne va pas forcément lire tout mot à mot. Des fois, on va le citer comme ça, à Mbeb al-Istifada. Sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Al-Tadris, wa charh, wa tarjama, ce serait beaucoup trop long. Naam. Et ce livre-là, j'avais eu l'occasion de le faire à Dammaj, il y a un bon nombre d'années, avec mon darris qui s'appelait Badr, et qui était tué par les Houthis, rahimahullah ta'ala. Dans les conflits avec les Houthis, il a été tué. C'est le seul dars que j'ai fait avec lui, et j'ai bien profité de ce dars-là. Un enseignant, mu'addab, muhtaram, sallallahu alayhi wa rahmah, rahmatan wasi'a. Fa'awalen, نذكر شيئا من المؤلف كي كما ذكرنا عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي كي ني ان شعبان سنه 541 541 دو ليجير دوجن فلسطينيان اي لي مور يوم العيد الفطر يوم عيد الفطر سنه 620 le jour du Yom al-Fitr, après Ramadan. Donc le premier Shawwal, l'an 620, à Damesk. À Damesk. Rahmanahu ta'ala. Et dans ce livre, il donne l'essentiel à connaître dans les bases de l'Aqida, bien de la Sunna. Awalen, Cheikh Mohammed ibn al-Uthaymin, il a fait une muqaddima, en citant quelques kawaïd muhimma à connaître pour pouvoir comprendre la suite du livre relative au asma au sifat. بعضها قد مرت بنا في كتاب تقريب التدمرية. Donc alhamdoulilah, cette fois-ci on passera rapidement. Et d'autres, l'ensemble de ce qu'il dit là, on l'a déjà pris. كنا بس ان نقرا شيئا من ذلك باب عن المراجعة. وكما يقول ما تكرر استقر. Ce qui se répète s'instaure. reste dans l'esprit. Faqal qawaid amma fil asma'i wa sifat. Des règles très importantes dans les noms et attributs. Al oula fil wajib nahu nusus al kitab wa sunna fi asma'i Allah wa sifatihi. Qu'est-ce qui est obligé? Quel est le comportement obligatoire à avoir face au texte qui parle, le texte du kitab de la sunna, qui parle des asma et des sifat? Comme on l'a appris, que c'est nusus, al wajib, ibqa'uha ala zahiriha. On les laisse sous leur apparent. Le texte, on le prend selon son apparent, sans changer. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, anzal al-Qur'an bilisan arabi, mubin, en langue arabe, clair. Donc nous, on doit laisser des choses comme Allah nous les a citées. Et comme nous en a informé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est venu dans la sunna, la sahiha. Car parler sur Allah sans science, cela est haram. Comme Zakarna, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَا الْفَوَاحِشِ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِسْمُ وَالْبَغِي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ نَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَكُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Que mon Seigneur a simplement rendu interdit les turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées, ainsi que le péché et l'injustice sans droit, et de d'associer Allah, si tu n'as fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que nous ne savons pas. Donc faire un ta'wil, changer les textes, l'échange de leur apparent, cela amènerait à quoi? À parler d'Allah sur Allah sans science. Donne l'exemple, Fikullah Azza wa Jal, Bel Yadahu, Mabsutatani, Unfiku Kayfayasha. Que ses deux mains sont grandement ouvertes. Il dépense comme il veut. Al-Ma'ida, verset 64. Ma ma'na hada, Adil Ayah, Tulzimuna, Izbet, Sifat Al-Yadain, Lillah. Ala hakikatihima. On doit forcément affirmer la sifat des deux mains à Allah. Il a dit Bel Yadahu, ses deux mains. Wa Yadahu, Tubsatan, elle s'ouvre également. Car des gens, ils ont interprété par l'Yad, par le Kouwa, la force. Ça, c'est un tahrif qui n'est basé sur aucune preuve, qui n'est pas permis de faire. Et c'est le fait de parler sur Allah sans science. Donc, première qaïda, on prend les textes selon leur apparent. Ça, on l'avait pris dans le kitab précédent. La qaïda thaniya fi asma illa. Deuxième règle dans les asma d'Allah. Tahta hadhihi al-qaïda furu'. Elle a plusieurs branches, cette qaïda. Al-oula, asma'ullah kulluha husna. Que les noms d'Allah sont tous de la beauté extrême, la plus belle, la plus grande des beautés. Le summum de la beauté. Pourquoi? لأنها متضمنة لصفات كمال أو كاملة لا نقص فيها من وجه من الوجوه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. Donc ces noms englobent également toutes les sifats. Chaque nom inclut le sifat qui va avec. D'accord? Chaque nom inclut le sifat qui va avec. Et ces sifats-là, ou même les noms, n'ont aucun manque, aucun défaut. Sous aucun angle. Tamam? La nox fiha mid waj nil wujuh. Comme Allah dans le sens où il dit, et Allah a les plus beaux noms. Husna à la base, c'est le mu'annaf de ahsan. Istafdil. Qui veut dire meilleur. Et husna également dans le sens de beau. Al husn yutlaq ala, dans une chose qui est bonne, une chose qui est belle également. Quand on a l'exemple de cela, ar-Rahman. فهو اسم من أسماء الله تعالى دل على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. الرحمن مثلا سيدنا الله سبحانه وتعالى كل son propre. الرحمن لا يطلق على غير الله أبدا. Et c'est un nom justement qui démontre cette immense صفات qui est الرحمة. الرحمة quelle رحمة? C'est qui est واسعة, qui est large, grande رحمة. Et de là il cite en فائدة que le دهر مثلا. Si on prend cette qaïda, le dahar, laissa min asma'illah. Le dahar, c'est le temps. Car dans le hadith, c'est venu, la tasubbu dahar, fa inna allaha huwa ad-dahar. N'insultez pas le temps, car Allah, c'est le temps. C'est quoi le sens? C'est qu'en fait, c'est Allah qui contrôle le temps. Contrairement à Ibn Hazm, qui lui, « Athbata hada l'ism lillah ». Ibn Hazm, dans ce bab-là, il a une zalla, il s'est trompé. Il y avait qui aussi Ibn Arabi, qui avait du tasahul dans Isbat al-Asma. Il attribuait du Asma à Allah ta'ala d'une façon qui n'était pas la voie des salafs. Là-dessus, il y a eu des erreurs. Al-Muhim, est-ce que le Dahr, c'est parmi les plus beaux noms qui existent? Non. Donc, il ne peut entrer là-dedans. Et quel sifat il inclut? Il n'y a pas de sifat si on en sort. Donc, on ne peut affirmer ce nom pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un exemple. Al-Far al-Thani, deuxième branche que l'on tire de cette règle. Que les asma d'Allah, ghayr mahsoura, ne sont pas limités à un nombre. Mu'ayyan. Comme le prouve le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit, As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, ou anzaltahu fi kitabik, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou starfarta bihi fi ilm al-ayb andak. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je te demande, ô Allah, par tout nom qui est à toi, par lequel tu t'es nommé toi-même, que tu as fait descendre dans ton livre, que tu as informé à certains de ta création, que tu as spécifié pour toi dans l'invisible. Même à la hada, qu'il y a des asma d'Allah qu'on ne connaît pas. Même comme on dit, ou stathartha bihi fi ilm al-ghayb. Donc cela, comment joindre entre ce hadith-là et le hadith inna lillahi, tamam, 99 ismen, man habitha wa ahsaha, dakhal al-jannah. Certes, Allah a 99 noms, celui qui les mémorise et les retient entrera au jannah. Ce hadith-là, comme l'explique le shir, Cheikh Othaymeen, n'explique pas la limite. Qala inna lillah 99 isma. Que Allah, certes, il a, ou plutôt dira, en français, si vraiment on devrait traduire, on dirait que pour Allah, il y a 99 noms. Cela n'implique pas qu'il n'ait pas d'autres noms. Mais ces 99-là, si jamais tu les connais, tu rentreras au paradis. Exemple qui donne le shir, quelqu'un dit Inna fi jaybi miyat riyal, man wajadaha fayyalahu. Dans ma poche, j'ai 100 riyal, celui qui trouve, c'est à lui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a que 100 riyal dans sa poche? Soit il a 2000 riyal. Tu as dit, moi, j'ai spécifié 100 riyal, celui qui les trouve, c'est pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien d'autre derrière. Mais il te spécifie à toi, 100 riyal là, si tu les trouves, ils sont à toi. Hal yamna an yakun ghayruha ma'ahu? Là, il n'y a pas de mania. Et le hadith qu'on a pris auparavant prouve qu'il a d'autres noms de Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne connaît pas, qu'il a gardé auprès de lui dans Ilm al-Ghayb. Wa a'zam asma'illah huwa Allah jalala. Allah. Al-far' al-thalith asma'ullah la tuthbat bil-'aql wa innama tuthbat bish-shar' fiya tawqifiyyah. Ça, on l'avait pris également. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut les affirmer par la raison. Mais on les prend des textes religieux authentiques qui ont un son tawqifiyyah, basé sur un décret divin. Sur la révélation. Il n'y a pas d'ijtihad dans les asma wa sifat. D'accord? Il n'y a pas d'ijtihad. On les prend par les textes. Car la raison ne peut cerner cela. La yumkin idrak ma yastahiquhu ta'ala min asma. Ça, c'est pas possible. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête aux limites du char. Donc c'est ça, faire fonctionner la raison, comme on l'a pris dans le Talmudia. C'est en fait s'arrêter là où elle s'arrête. Et pas la mettre en avant sur le texte. Abadan. Adabab khatir jiddan. Car tu vas nommer Allah d'une chose qu'il ne s'est pas nommée. Et ce nom-là peut-être inclura un ox, isha'anihi, dans son droit. Sans que tu t'en rendes compte. Ou également, on ne peut abolir de ces noms, l'annuler par la raison également. Kasra atan, fi hakmati. Que là, c'est nommé comme cela, toi tu dis non, il ne s'appelle pas comme ça, Allah. Ada ihtirad ala Allah. Ada mayajouz. Donc là, on doit avoir le bon adeb, le bon sloub là-dedans, c'est quoi? Que le aql, il suit le shar. Al-far, arabia, kullu ismin min asma'illah, fa innahu yadullu ala dhatillah. Que chaque nom, parmi le nom d'Allah, amène à quoi? À son zat, à son essence. Wa ala sifat allati tatadammanuha. Également la sifat de laquelle que l'on tire, tayeb, qui est dérivé de ce nom. Et également, voilà l'athar al-mutarattab alayhi in kana muta'addiyan. Également, ce que cela implique comme athar comme trace sur la création si jamais ce nom est muta'addi, muta'addi, qui a un agissement en fait sur autrui. Pas mal, qui a un agissement sur autrui. L'exemple qu'il va donner, également qui dit que l'iman, pour ce ism, de ce nom d'Allah, n'est pas complète, qu'on n'a pas recouvré ces choses-là. Tadoul ala dhatillah, hein, tadoul ala sifat, wa ala athar al-mutarattab ala al-khalq. Exemple d'un nom qui n'est pas muta'addi, qui n'a pas forcément de choses qui inclut sur la création. Il y a un nom qui a un effet direct sur la création, je parle. Mathalan al-azim. Al-azim, min asma'il al-azim. Traduction par l'immense. Al-azim yadoul al-aman al-Allah. Ça prouve sur al-azatillah. Deuxièmement, al-azim nastakhrij minhu sifat al-uzma. On en sort la sifat de l'uzma, traduit par l'immensité. Ça peut être d'autres mots. Hein. Là, je donne le mot que j'ai sur le moment qui vient. Ça peut être d'autres mots. Car azim, c'est encore plus grand que immense à la base, en arabe. Et maintenant, cette uzma, c'est une chose pour laquelle Allah se décrit lui-même. Mais ce n'est pas une chose qui applique une action à athar sur la création directe. Contrairement au look que c'était maintenant, muta'addi, masalan, muta'addi ar-Rahman. Ar-Rahman yadoul ala dhatillah. Ça démontre l'essence d'Allah qui est Allah. Ar-Rahman manhu ou Allah. Deuxièmement, Ar-Rahman, on en sort quoi comme sifat? Ar-Rahma. Et cette Ar-Rahma muta'addiya ala maza? Ala al-khalq. Que Allah, il est miséricordieux envers qui vit dans sa création. Ça agit sur la création. C'est ça un muta'addi. En langue arabe, un fait muta'addi, on l'a pris hier. C'est un verbe qui va yansob al-maful. Il va amener al-maful bihi. Et le lazim, c'est celui qui n'inclut pas de maful bihi. Il donne une action en elle-même, directement. Sans avoir une chose qui en découle par la suite. Donc, هذا يشبه. La salen, tu dis, daraba Muhammadun Zaydan. Muhammad, il a frappé Zayd. Daraba, c'est un fait muta'addi. Car il a besoin d'une chose sur laquelle on frappe. Nama yanamu, dormir. Takul, nama Zayd. Zayd, il a dormi. Est-ce que ce sommeil agit sur autrui? Nama Zayd. Il n'y a pas de maful bihi qui est en arrière. Ben là, ça ressemble un peu à ça. Le fahm. Al-Qa'ida, donc on a pris les trois furours qui viennent de la deuxième règle. Al-Qa'ida tu thalitha fi sifatillah, dans les sifat. Tahta furour, aïda. Il y a également des furours. Al-Fur al-Awwal, sifatullah kulluha ulya. Sifat kamal wa madh, laysa fiha naqsun bi wajhin min al-wujuh. Qui sont toutes des sifat d'une grande valeur élevée, la plus haute, les plus hautes, on va dire. Elles sont des sifat de perfection et d'éloge, et qu'elles ne contiennent aucun manque ou aucun défaut, sous aucun angle. Mathalène, al-haya, la vie, al-ilm, al-kudra, la capacité, al-sam, l'ouïe, al-basar, la vue, al-hikma, la sagesse, al-rahma, al-ulo, et autres. Comme a dit Azza wa Jal, walillah, al-mathalu, al-a'la, que Allah est le plus grand exemple, le plus élevé. C'est-à-dire, donc si on trouve une sifat qui inclut un manque, un ox, un manque ou un défaut, on ne peut lui attribuer. Comme, مثلاً, maut, la mort, ou le jahl, l'ignorance, al-ajz, l'incapacité, ou le fait qu'il n'entende pas, qu'il soit aveugle, غير ذلك. قال ثم بعد هذا فإذا وإذا كانت الصفة كمالا من وجه أو ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولم تنيعة عليه على سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيل. Maintenant, on se trouve une sifat qui a d'un côté qui est un côté de perfection et de l'autre un côté de manque et qui n'a pas été affirmé pour Allah, tout comme il n'est pas possible qu'il se l'attribue. Comment on agit à ce moment-là? Un tafsil. Il y a un tafsil. Donc on dit quoi? On l'affirme à Allah subhanahu wa ta'ala quand c'est dans le sens du camel. Lorsque cette sifat-là a le sens du camel, on lui attribue. Et lorsque ça a sens de nox, on ne l'attribue pas. Il va donner l'exemple. Mathalen, al-makr, al-kaid, enfin de comploter. Stratagème. Réalisé à l'écart. Car cette sifat-là, elle peut être un madh, un éloge, comme elle peut être un défaut. Ça dépend. qui l'a fait, comment il l'a fait. Mathalan, quelqu'un qui comporte contre toi sans droit, il t'a fait un mal. C'est un défaut. Mais de l'autre côté, où est-ce que c'est un camel? Que quelqu'un, yamkur bik, il comporte contre toi, et toi tu lui renvoies son mak contre lui, ça c'est un camel. Faut dire que tu te fais pas avoir comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es plus intelligent que celui qui veut te faire du mal. Donc ça c'est quoi? C'est un éloge ou pas? Quelqu'un, mathalan, comme dans les guerres, un pays, dans une guerre, veut faire un plan contre les pays adverses. Le pays adverse, ils anticipent cela. Ils ont préparé la, pour recevoir le piège. Et après, il en découle que ce stratagème retourne contre l'ennemi. Qu'est-ce qu'on va dire de ce pays-là? On va dire qu'ils sont forts en guerre. On va les vanter en cela. Donc là, à ce moment-là, que ils complotent, et Allah complote, je ne sais pas si on pourrait dire complote comme ça, et que Allah est meilleur en complot. C'est-à-dire que tu ne pourras pas avoir Allah, ce n'est pas possible. Donc ça, dans « Fihakillah » un kamel. Imagine, demain, on dit la création un complot et Allah, il ne voit pas le complot. Ça sera un ox. Mais là, un chèque. Non. « Okadhali qala innum yakiduna keida ou akidu keida » Ils font leur stratagème, moi je fais le mien. Et celui de Allah, il est bien plus grand. « Qala ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum » Le khida'. C'est le fait, comme on dit le khida', je ne sais pas comment traduire. Traduire ça par tromperie, mais je ne sais pas si c'est approprié là. La guerre, c'est la tromperie. Ce serait la ruse. Le fait de ruser. Donc là, est-ce qu'on décrit Allah par le makr? On dit oui. Mais, biqaïd, que cela a lieu pour celui qui mérite. Le makr pour celui qui lui-même fait un makr envers Allah, contre Allah. Pas itlaqan, pas n'importe quand. Et mathalan, une sifat que Allah SWT ne s'est pas attribuée et qui ressemble à celle-ci, el khiyana, la trahison. Car ça, c'est une sifat de nox, tamam. Une trahison, une khiyana, ça, c'est pas bon. Liyadha, quand Allah Azza wa Jal, wa yuridu khiyanatak, faqad khanu Allah min qabl, fa amkana minhum. Si jamais ils veulent te trahir, c'est-à-dire qu'ils ont déjà trahi Allah par avant, donc il les a saisis. Il n'a pas dit « Fakhanahum » quand il fait « Amkana minhum » c'est-à-dire qu'il s'est emparé d'eux. C'est-à-dire même leur trahison, elle n'a pas eu d'effet sur Allah ce moment-là. Abadan, c'est impossible ça. Mais est-ce qu'il a dit « Khanullah fakhanahum » là, que la khiyana, ça c'est une sifat « Zamima » min kulli wajh. Quelqu'un qui est un khayin, ça c'est quelque chose qui n'est pas bon. Amal le makr, ça c'est autre chose. Le kaid, c'est autre chose. Le khida, c'est autre chose. الفرع الثاني صفات الله تنقسم الى قسمين ثبوتية وسلبية. Que les صفات d'Allah sont de deux catégories. ثبوتية, celle qui est affirmée. سلبية, celle qui est refusée. ثبوتية ما اثبتها الله لنفسه, celle que Allah s'est attribuée à lui-même. Comme الحياة, la vie, العلم, القدرة. Donc ça c'est obligé de l'affirmer également. Selon quoi? Ala al-wajh al-la'iq billah. Comme cela lui convient, bien évidemment. Car Allah l'a affirmé pour lui-même, wa huwa a'lam, tayyib, bi nafsihi bi sifatihi. Wa silbiya, c'est que Allah s'est refusé à lui-même. Comme le zulm, l'injustice. On n'a pas le droit d'attribuer à Allah le zulm. Car Allah, se l'est interdit à lui-même, ne se l'est pas attribué. Ce n'est pas seulement on refuse la sifat, mais on affirme son opposé. Comme on avait expliqué. Ça veut dire que Allah l'isabi zallam l'ibad, comme il a dit, Allah n'est pas injuste, mais en plus de ça, il est adl. Renier la sifat ne suffit pas. Il faut affirmer son opposé qui amène à la perfection. D'accord? Et on a expliqué silbiya, c'est-à-dire que Allah s'est attribué le fait de ne pas avoir cela en lui. Parmi les sifats d'Allah, qu'il n'est pas injuste. Vous appelez cela comment? Le sifat silbiya. On l'a expliqué, par exemple, toi, on va dire, c'est sifat, là, actuellement, là, tu n'as pas les cheveux longs. Donc, on a dit, مثلاً, فلان, من صفاته, عدم, مثلاً, تو les شعب. Il n'a pas les cheveux longs. رَقَلَ عَزَ وَجَلَ وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Que ton Seigneur n'injuste envers personne. Donc, on n'a pas l'attribué des sifat. Quand même, parce que Allah, ce moment-là, a renié et refusé, on ne peut l'affirmer. الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. Maintenant, c'est ثبوتية المام, ces صفات qui sont affirmées, elles-mêmes se divisent en deux. ذاتية وفعلية. ذاتية, celles qui sont liées à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَلَّتِي لَا تَنْفَكْ عَنِ الذَّاتِ, qui ne sont pas séparables de l'essence. Également, quand elle est يَلَّتِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَلُ مُتَصِفًا بِهَا, celles par lesquelles il est sans cesse, on le décrit sans cesse. Les sifat par lesquelles il est tout le temps décrit. Comme مثلاً السمع, l'ouïe, Allah l'entend tout le temps. البصر, il voit tout le temps. الحياة, il vit tout le temps. غير ذلك. Ça, c'est une ذاتية. Et dans la ذاتية, on ajoute une autre qu'est-ce qu'il n'a pas cité là, c'est la خبرية. La خبرية, ce sont des sifat que Allah a informé à son sujet. التي تسمى في حقنا الأبعاد. Parce que dans notre cas, nous, on appellerait ça, comment ça, des parties, des membres. Pour nous, on dit ça pour nous, pas pour Allah. Comme par exemple, القدمان, اليدان, العينان, les deux mains, les pieds, les yeux. Ça, c'est les sifat ذاتية وخبرية. Ce sont les sifat, tu ne peux pas les déduire. Si l'un ne l'a pas dit, tu ne peux pas les affirmer. Et deuxième forme de sifat parmi les ثبوتية, الفعلية. C'est qui sont liés aux actes que Allah y fait. هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. Elles sont liées à sa volonté. S'il veut les faire, il les fait. Et s'il veut, il ne les fait pas. Et certaines sifat rentrent dans les deux. Comme le kalem. C'est un kalem. Allah, une sifat est le kalem. Sifat ذاتية. Que le kalem fait partie de sifat d'Allah. Toujours. Mais est-ce que là, il parle tout le temps? Il parle comme il veut, quand il veut. Une sifat il fi'liya, مثلاً. النزول. Quand il descend, au même temps de la nuit. Une sifat il fi'liya. Et là, il y a une faïda par rapport à l'istiwa et le ulu. Le fort qui est entre l'istiwa et le ulu. L'istiwa, c'est une sifat khasa et l'arche. Comme a dit Cheikh l'Islam. C'est une sifat qui est liée au arche. Ou le ulu, c'est une sifat qui est liée au dhat. Car l'istiwa, il a lieu où? L'istiwa? À l'arche. L'instauration, elle est sur le trône. Et le ulu, quoi qu'il en soit, Allah, min sifati al-ulu, wa al-a'la. Ça, c'est lié à son dhat. Allah, on ne dit pas qu'il a besoin du arche ou quoi que ce soit. Mais sa sifat de l'istiwa, elle est liée au arche. Quand on cite l'istiwa, c'est lié au arche. Mais l'ulu, Ada, c'est lié à quoi? À son essence, à lui-même. Car les deux se ressemblent. Al-fara al-rabi' kullu sifati min sifati Allah, fa innahu yatawajjahu 'alayha. Toutes ces sifat, on trouve trois questions. Première question, est-ce qu'elles sont réelles et pourquoi? Est-ce qu'on peut leur chercher à comment et pourquoi? Est-ce qu'elles sont représentables par les sifat des créatures? Et pourquoi? Donc, première réponse à la question, est-ce qu'elles sont haqiqiya? On dit naam. Ça rentre quoi? Les asas qui disent, c'est du majaz. Des métaphores. Car le os dans le kalem, c'est le haqiqa. On l'a dit, on prend les tests comment? Selon leur apparent. Donc, on ne sort pas de leur apparent, si ce n'est avec un dalil sahih. Ce qu'on appellera un ta'wil. Deuxième réponse, le takif, ce qu'on a droit. On n'a pas le droit de faire de taqif. Dire à comment? Comme quand l'Azza wa Jal, « وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا » qui ne peuvent le cerner par la science. Car le aql, il n'est pas possible de cerner le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible. Tu peux faire un taqif sur une chose que tu as déjà observée, que tu as déjà compris, que tu as vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme quand elle est, « لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٍ » il n'y a rien qui est comme lui. Et ça répond également à la troisième question, que est-ce qu'on peut représenter les sifats d'Allah par ces deux makhlouqin? On dit non. Il n'y a pas de tamthil. Mais un tajbih, mutlaqan, il n'y en a pas. Mais mutlaq et tajbih, on l'avait dit, il y a. Est-ce qu'il y a un tajbih ou pas? Il y a un tajbih quelque part. Dans quoi? C'est dans l'ism, dans la nomination. Il y a un tajbih. Et il y a un lien entre les deux choses. أما التمثيل لا يوجد. لا. Donc il dit le فرق entre le تمثيل et le تكييف, c'est que le تمثيل c'est le faire un تكييف, de dire un comment sur une un aspect particulier. Par exemple, tu représentes la chose d'une façon particulière. Alors que le takif, c'est donner un comment sans chose particulière. C'est chercher un comment, en fait. Le tamfil, tu vas trouver un équivalent. Le takif, tu le cherches. D'accord ? Ben, ça donne takif. Le tamfil, il va dire tamfil, yadullah ka yad al-insan. Que la main d'Allah comme celle de l'être humain. Ça, c'est un tamfil. C'est aussi un tajbih. Mais le tamfil, c'est vraiment tous les wujuhs. Parce que c'est pareil. Parce que le tamfil, la chose, tu la fais ressembler à son ensemble. Tajbih, ça peut être sur quelques points. Le tamfil, c'est plus large. Naam. Et le takif, مثلاً, c'est s'imaginer, مثلاً, la main d'Allah, comment elle est. Tu vas chercher comment elle est. Donc les deux, ils rentrent dans le calcul, ce qu'on va apprendre par la suite, les mu'attila, ceux qui suppriment. Car tamthil, tu auras forcément sorti la sifat de sa réalité, car Allah, il n'y a rien qui est comme lui. Et takif, tu vas t'imaginer une chose qui t'est inimaginable. Donc tu vas lui donner une forme, tu vas chercher à lui donner une forme. Donc tu vas quoi? Tu vas l'annuler également de sa réalité. Donc les deux, c'est des mu'attila. Donc c'est qui les mu'attila? Ceux qui ont renié une chose des asma et des sifat, ou totalement, ou partiellement, ou relève à l'écart. Et qui change les textes pour arriver à leur résultat final. Et ça, c'est la voie qui se pose à celle des salafs, quand même sur lesquels ils étaient par rapport aux textes des asma et des sifat, qui les prenaient selon leur apparent. Je voulais prendre le Muqaddima, mais on l'apprendra demain, Inch'Allah, je pense. Arsan. Donc ça, c'est le Muqaddima, ça, c'est pas du livre. C'est le Sharir, Sharir Al-Famin qui l'a rajouté. D'accord ? Pour pouvoir bien comprendre ce qui va suivre par la suite. Et ça, dans ces règles-là, trouve beaucoup dans la Coran des Mousselins. Là, il a fait un petit résumé. Non. Ma foumada, faïla huna, wa alhamdulillah bil alamin.